بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الإخوة on a donc fini avec le ciblage de ceux qui sont les bénéficiaires de la zakat et qui en sont les ayants droit, qui sont les ayants droit de la zakat, et on a fini aussi avec le ciblage de ceux à qui il ne faut pas verser la zakat et à qui il est interdit de percevoir cette zakat. Maintenant donc, bi'idnillah azawajal, on va entrer donc dans le vif du sujet, voir dans les ahkam, les règles concernant la zakat sur les biens dont on a décidé de voir les règles. Comme je l'avais dit au début du cours, on va délaisser certains biens parce que la majorité d'entre nous ne sont pas concernés par ces biens-là, comme le bétail et les récoltes agricoles. Donc c'est ceux qui sont dans donc l'agriculture et l'élevage qui sont le plus concernés par cela, même si il est bien aussi pour toute personne qui est étudiant en sciences de connaître ces règles-là. Mais ici, là, pour faire court et dans l'urgence et pour que le maximum de frères puissent être à la basira, être clairvoyants sur les règles qui les concernent au jour le jour. Avant donc de poursuivre, il est bien de préciser que les biens se divisent en deux catégories. Il y a donc les biens apparents, c'est ceux-là qui sont concernés par l'envoi des employés venant du détenteur d'autorité, le wali al-amr. Donc, les biens apparents, c'est ceux-là qui sont concernés donc par l'envoi des employés venant du détenteur d'autorité pour leur collecte, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les califes bien guidés après lui. Et il s'agit donc des biens qui sont visibles par tous et par tout le monde, comme le bétail et les récoltes agricoles. Sur ces biens-là, la législation islamique ne nous a pas laissé de choix. Et ce n'est pas selon notre bonne volonté. Donc le gouverneur musulman, il vient et il prélève la zakat sur ces biens-là, de gré ou de force, s'il le faut. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son commentaire de Boulour, il explique que la sagesse dans le fait d'imposer la zakat sur ces biens du riche qui sont apparents, c'est que ces biens-là sont convoités par les pauvres. Donc les biens du riche qui sont apparents sont convoités par les pauvres. Et le fait de prendre une partie de ces biens pour les reverser aux pauvres, ça permet un équilibre social. Et subhanallah, le fait qu'il dise ça m'a fait penser à une parole que j'entendais souvent notre cher Yahya dire. Il disait ma khala jasadun min al-hasad al-la'im yudhhiruhu wal-karim yubtinu ma khala jasadun min al-hasad Al-la'im yudhhiruhu wal-karim yubtinu. Donc quand cette parole de Cheikh Ibn Taymiyyah où il dit que les pauvres, en voyant les biens du riche, vont se mettre à les convoiter, ça montre que c'est la nature humaine. Le législateur Allah Azza wa Jal, qui connaît bien la nature humaine puisque c'est lui qui nous a créés, donc il sait cela. Donc c'est pour ça donc qu'il a légiféré que la zakat donc soit prélevé sur ces biens-là pour contenter les pauvres. Et ceci donc fait un équilibre social. Et donc, pour en revenir à cette parole de notre cher que j'entendais souvent, qu'il disait, ça veut dire, cette parole veut dire qu'il n'y a pas de corps qui soit, il n'y a pas de corps qui soit exempt de la jalousie. Il n'y a pas de corps qui soit exempté de la jalousie. Et le bon, le mauvais plutôt, le mauvais. Le mauvais l'extériorise, le mauvais l'extériorise, la mauvaise personne l'extériorise, ça veut dire la mauvaise personne extériorise sa jalousie et la bonne personne la cache. La bonne personne la cache et la contient. Donc en fait, ça sert à rien. Par exemple, souvent les gens disent, moi je suis pas jaloux, je suis pas jaloux. La jalousie, c'est rien, en fait, c'est comme on l'a vu, comme on l'a vu, la jalousie, ou comme on va le voir, la jalousie, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. C'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Et donc, c'est juste les personnes à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde et qui sont des bonnes personnes qui donc s'empêchent d'extérioriser cette jalousie-là par des mauvaises paroles et par des mauvais actes. C'est eux les bonnes personnes. Ils ont la jalousie à l'intérieur d'eux, dans leur cœur, mais le fait qu'ils soient des bonnes personnes les empêche d'extérioriser cette jalousie-là et de la manifester par des mauvaises paroles ou des mauvais actes. Mais sinon, cette parole sage-là, c'est une parole véridique. C'est un sentiment naturel de quand tu vois quelque chose chez un frère. De l'envier par rapport à cette chose que tu aimerais aussi avoir. C'est quelque chose de naturel. Nos âmes sont comme ça. Donc, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'est pas jaloux parce que c'est un sentiment naturel. Sauf que les bonnes personnes, ils contiennent cette jalousie-là et ils cachent cette jalousie en s'empêchant de l'extérioriser. Alors que les mauvaises personnes, hein, ceux-là vraiment qu'on caractérise alors de jaloux, de vraiment jaloux, c'est donc ceux qui extériorisent cette jalousie par des mauvaises paroles et des mauvais actes. Donc, je disais donc, le gouverneur musulman, il vient donc, il prélève la zakat sur ses biens, de force s'il le faut. Et Cheikh Ibn Uthaymine expliquait donc que la sagesse dans cela, c'est que ces biens du riche apparents sont convoités par les pauvres. Et le fait de prendre une partie de ces biens pour les reverser aux pauvres, ça permet un équilibre social qui fait que les pauvres sont contentés. Et donc, si ce n'est pas le cas, ça va sûrement pousser les pauvres au vol et aux actes de banditisme. C'est ce que Cheikh Ibn Taymiyyah dit. C'est ce que Cheikh Ibn Taymiyyah dit, que si ce n'est pas le cas, ça risque de pousser donc les pauvres aux actes de vol et aux actes de banditisme par convoitise de ses biens. Donc c'est le sens de la parole que Cheikh Ibn Taymiyyah dit. Et donc Allah Azzawajal, qui est le plus connaisseur de la nature humaine, puisque c'est lui qui nous a créés, et il a donc institué la zakat, qui est prise des riches et reversée aux pauvres. Ce qui permet donc de vivre dans une société harmonieuse où on ne prend pas tout aux riches, on leur prend juste un peu. Hein? On leur prend pas tout, on leur prend pas comme dans le système communiste, on leur prend pas tout. On leur prend juste un peu, car leur prendre beaucoup, par exemple, leur prendre beaucoup. Ça risquerait donc de créer une autre fitna et d'autres troubles, car ceux-ci s'y opposeraient farouchement. Car c'est la nature humaine, comme je le disais, c'est la nature humaine de tirer la couverture de son côté et c'est la nature humaine de vouloir tout pour soi et de ne pas partager. Le partage, laisser une partie de ce qu'on a de droit à d'autres, ça ne fait pas partie de la nature humaine. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal a dit dans son noble livre, Wa uhdiratil c'est-à-dire, en traduction approximative du sens, les âmes sont créées et inclinées vers l'avarice, la jalousie et donc la cupidité. Donc, c'est-à-dire dans le sens où les âmes sont créées de cette manière-là où chacun ne voit que son intérêt et il campe sur ses intérêts à lui. Et donc, quelqu'un n'est pas prêt à abandonner son intérêt au profit de quelqu'un d'autre. C'est le sens de cette parole d'Allah Azzawajal. Et c'est comme ça que sont nos âmes. C'est comme ça que sont nos âmes, c'est comme ça qu'est la nature humaine. C'est comme ça qu'elle est faite ainsi. Donc, c'est tout pour moi, rien pour les autres, à la base. C'est comme ça qu'est la nature humaine. C'est pour ça que il est difficile souvent d'instaurer la paix et la réconciliation entre les gens parce que chacun campe sur ses positions, se disant qu'il est dans son droit. Et il ne veut en aucun cas lâcher une partie de son droit au profit de l'autre. Il n'y a que les gens à qui Allah Azzawajal a fait miséricorde, c'est-à-dire de grands esprits, qui ont cette qualité de partage et du fait que même si tu as raison et tu es dans ton droit, tu es prêt à faire des concessions et à abandonner une partie de tes droits pour contenter les autres. Ça, c'est une qualité, une très très grande qualité qui est donnée à peu de gens. Et donc, pour ne pas activer ce mauvais côté de la nature humaine et pousser les gens à ne vouloir rien donner, la législation islamique prend seulement un peu, pas beaucoup. Par exemple, tu as 40 moutons, on te prend seulement un mouton pour la zakat. Tu as 80 moutons, on te prend seulement deux moutons pour la zakat. Donc on te prend un peu. Donc tu as de l'argent amassé, on te prend les 1 quarantième, les 2,5% de ce que tu possèdes. C'est seulement ça qu'on te prend. On ne vient pas te prélever 20, 30, voire 40% de ce que tu t'es fatigué à amasser, et que tu as travaillé pour amasser. Comme ça peut être le cas dans certains pays, ou bien même dans le système communiste où on te prend carrément tout et on te redonne seulement juste une partie de quoi vivre. Ce qui est donc une injustice. Et c'est pour cela que donc vous voyez des gens qui sont riches fuir les pays où la fiscalité est pesante pour aller vers des pays où les taxes sont beaucoup moindres. Donc c'est ça que vous voyez. Et vous voyez donc beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi les koufars, beaucoup de gens aujourd'hui, même parmi les mécréants, ils sont attirés par Dubaï, par exemple, par Dubaï. Beaucoup, c'est à cause des impôts et parce qu'à Dubaï, les taxes sont très très très très peu, très très peu par rapport à ce qui se fait dans des pays comme la France par exemple ou autre. Donc les riches donc se dirigent vers ce genre de pays qu'on qualifie de paradis fiscaux. Ceci pour pouvoir payer moins d'impôts. Parce que dans des pays comme j'ai cité, comme la France, le taux d'imposition est très élevé pour eux. Donc, ils quittent leur pays d'origine et donc ils vont vers ces pays-là parce que les impôts dans ces pays-là, les impôts qui sont injustement prélevés sont souvent énormes, souvent énormes. Donc tu t'es fatigué à travailler pour amasser de l'argent et on te prélève 20% de ton argent, c'est énorme, c'est énorme. Et donc, comme la nature humaine n'accepte pas cela, les gens fuient ce genre de pays, les gens fuient ce genre de pays. Et donc, vous voyez que la législation islamique, en prenant 2,5%, en prenant seulement 2,5%, c'est quelque chose qui est vraiment très peu. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très peu. Et le pays où la législation islamique est strictement appliquée devient forcément un paradis fiscal. Devient forcément un paradis fiscal, sans compter que si on applique vraiment les règles, les taxes comme les taxes douanières, tout ça là, ça n'a pas lieu d'être. Donc ça devient vraiment un paradis fiscal et ça facilite beaucoup de choses pour les affaires et autres. Et par rapport à cela, donc, il est clair que les pays arabes du Golfe ont quand même de ce côté-là un taux d'imposition et des taxes très très réduites, un taux d'imposition très très très très faible et des taxes très très réduites, ce qui donc attire très très réduites par rapport au reste à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc si on compare, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc c'est ça qui attire beaucoup de gens vers ces pays-là. Beaucoup de gens riches vers ces pays-là. L'islam donc prend juste un peu aux riches et reverse aux pauvres, ce qui permet donc une société harmonieuse où on se soucie de la situation des pauvres et dans laquelle on leur montre la solidarité des riches envers eux. Ce qui diminue donc considérablement le vol, le banditisme et la criminalité. Et on le voit aujourd'hui dans les pays où il y a des aides sociales, par exemple. Dans les pays où il y a des aides sociales pour les plus démunis, le taux de criminalité et le vol sont moindres par rapport aux pays où il n'y a pas ces aides. Et on voit donc la perfection de notre législation islamique qui a pensé à cela il y a plus de 1400 ans et dans laquelle donc les besoins du pauvre et du nécessiteux sont entièrement pris en charge avec l'argent de la zakat. Donc le système islamique va au-delà même de tout ce qu'on peut voir de nos jours, puisque comme je l'ai dit précédemment, le gouverneur qui perçoit la zakat, il reverse aux pauvres de quoi vivre pendant toute une année. Ça veut dire subvenir à tous leurs besoins, de quoi vivre pendant toute une année. Donc ça va au-delà même de ce qu'on peut voir dans beaucoup de pays occidentaux de nos jours où il y a des aides sociales. Parce que les aides sociales sont limitées. La personne, elle a des aides sociales, mais elle est toujours dans le besoin. Alors que là, avec la zakat, l'argent de la zakat, on donne aux pauvres de quoi subvenir à tous ses besoins, hein, à tous ses besoins pour une durée d'un an. Ça veut dire qu'on le sort de la pauvreté, en fait. En fait, c'est ça que ça veut dire. On le sort de la pauvreté, puisque s'il a de quoi subvenir à tous ses besoins pendant une période d'un an, ça veut dire qu'il est plus pauvre. Donc, et ceci, donc, comme c'est fait chaque année, ça fait que donc, les gens sortent. Les gens sortent au fur et à mesure, on élimine la quantité de pauvres au fur et à mesure dans la société. Et donc, lorsque la situation du pauvre est prise en charge par l'État et le gouverneur musulman, c'est alors là que donc, la répression doit être féroce et sans pitié envers donc, les transgresseurs. Parce qu'à ce moment-là, il apparaît clair que tu voles par amour du vol et pas par nécessité. Tu voles par amour du vol, par cupidité excessive. Et donc, dans ce cas-là, tu mérites donc la sanction prévue à cet effet dans la loi islamique. Pour te décourager et pour te décourager de recommencer et décourager aussi ceux qui voudraient faire comme toi. Ceci donc m'amène à dire que, il est compréhensible qu'un pauvre vole pour subvenir à ses besoins. Il est compréhensible qu'un pauvre vole pour subvenir à ses besoins. Je ne dis pas, on n'encourage pas à cela, parce qu'il y a des pauvres qui sont très pauvres, mais qui ne volent pas. Ça, c'est clair. Mais je veux dire que par rapport à ces paroles à cette parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, on comprend donc, on en déduit donc que la législation islamique a pris en charge le pauvre pour donc lui éviter d'être tenté de tomber dans ce genre de dans ce genre d'acte répréhensible. Donc, un vol, un pauvre qui vole pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ça peut être compréhensible. Quelqu'un qui n'a rien, hein, qui n'a rien pour se nourrir, pour s'occuper de sa famille, ça peut être compréhensible qu'il puisse tomber dans le vol. Et la législation islamique a bien imprimé cela. C'est pour cela que les savants du fiqh ont institué la règle qui s'appelle Ad-Daroura Tubihul Mahdoura. Ad-Daroura Tubihul Mahdoura. Ça veut dire donc que la nécessité permet l'interdit. La nécessité permet l'interdit. Quelqu'un qui ne trouve à manger que du porc, et s'il ne mange pas ce porc, il peut se retrouver dans un état critique. Il ne trouve à boire que de l'alcool pour étancher sa soif. Et s'il ne boit pas cet alcool, ça peut être fatal pour lui. Dans ces cas, l'interdit lui devient permis. Donc, parce qu'il est dans un cas de nécessité. Et donc, l'interdit lui devient permis. Quelqu'un ne trouve... quelqu'un se trouve dans un cas de famine où il ne trouve pas de quoi se nourrir ainsi que sa famille, on peut comprendre qu'il se retrouve à voler. Non pas qu'il aime le vol, mais c'est un cas de nécessité qui le pousse à cela pour se nourrir et nourrir sa famille. C'est pour cela qu'il est rapporté du calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il a suspendu l'exécution de la sanction pour le voleur pendant une période de disette et de grande sécheresse où il y avait donc une famine. Une période de disette et de grande sécheresse où il y avait donc une famine. Donc le calife Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a donc suspendu l'application de la peine sur le voleur. C'est comme c'est rapporté dans Al-Musannif Abdarrazak. Et la raison est que le calife Omar, radiallahu anhu, étant un savant et connaissant très bien la législation islamique et ses objectifs, donc il sait que les sanctions sont à but dissuasif. Et la charia, elle n'est pas venue pour couper des mains, à tort et à travers. Et que pour que les sanctions soient appliquées, pour que les sanctions soient appliquées, il faut que la faute soit claire et sans ambiguïté. Et que cela soit clair que la personne transgresse par amour de la transgression. Et donc, en période de disette et de grande famine, il devenait donc impossible pour lui de distinguer celui qui a volé par nécessité, parce que celui-là, donc, il est pardonné. Hein? Celui-là, donc, il est pardonné et on n'applique pas la peine sur lui. Donc, quelqu'un qui vraiment, il n'a pas trouvé de quoi manger, lui et sa famille, il se retrouve à voler pour pouvoir manger. Donc, celui-là, il est donc pardonné. Et la règle, elle est donc claire. Ad-Daroura Tubihul Mahdoura. Elle est connue chez les savants du fiqh, cette règle. Donc, que la nécessité, donc, permet l'interdit. Donc, il devenait donc difficile donc à Omar ibn al-Khattab en cette période-là de distinguer. Comment tu vas distinguer celui qui a la famine, on est en période de grande sécheresse, de disette, la famine est répandue. Tu vas distinguer comment celui qui vole par amour du vol et celui qui vole parce que il a faim et il a besoin de se nourrir ainsi que lui et sa famille. Donc, c'est pour ça qu'il a pris cette décision sage. Radiallahu anhu, de suspendre l'application de cette peine. Et c'est aussi rapporté dans Moussa Nifab al-Razak de lui que c'était ce qu'il faisait même en période hors disette. C'est-à-dire que si il lui apparaissait que la personne a volé parce qu'il était dans le besoin, hein, la personne était dans le besoin, il n'appliquait pas donc la sanction sur cette personne-là. Et il fallait aussi que certaines ambiguïtés soient levées pour que la sanction soit appliquée. Comme par exemple, il est rapporté aussi de lui que si c'était un employé qui volait son patron, il n'appliquait pas la sanction sur cet employé. Si c'était un employé qui volait son patron, il n'appliquait pas la sanction parce que il y avait là une ambiguïté possible, qui est qu'il se peut que l'employé soit maltraité, brimé par son patron et que celui-ci, par exemple, ne lui verse pas son salaire comme il se doit et que cela le pousse donc à voler son patron en représailles par rapport à ce qu'il subit, à ce qu'il subit. Et ce sont des choses qui arrivaient déjà à leur époque. Donc, lorsque il lui était amené un cas où c'est un employé qui a volé son patron, il n'appliquait pas la sanction sur l'employé. Il n'appliquait pas la sanction sur l'employé parce que. Et c'est des choses qu'on voit beaucoup à notre époque. C'est des choses qu'on voit beaucoup à notre époque, malheureusement. Des patrons qui se comportent très mal avec leurs employés, qui les briment, qui les. Voilà. Qui leur font subir même des maltraitances, que ce soit verbal ou physique. Et n'en parlons pas du non-paiement des salaires ou des retards dans le paiement des salaires. C'est des choses qui arrivent, surtout dans nos pays ici, en Afrique, ça arrive énormément. C'est très courant, très courant. Des gens, ils ont de l'argent, mais ils passent des mois à ne pas payer leurs employés. Ils ont des employés dans leur maison, ils ne les payent pas pendant des mois. Pourtant, ils ont les moyens de le faire. Et sans compter les brimades et tout ça. Donc, tout ceci peut pousser un employé à voler son patron en réponse à ce genre d'acte-là. Et dans ce cas-là, c'est des circonstances atténuantes qui font que on peut pas donc appliquer la sanction sur cet employé-là. On peut pas donc appliquer la sanction sur cet employé. Ça montre donc que l'importance de l'importance de la science et d'avoir la connaissance de ces règles-là, d'avoir la connaissance de ces règles-là pour savoir que, dans quel cas on peut appliquer les sanctions et dans quel cas on doit être indulgent et clément. Et donc, tout ceci donc appuie la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah que j'ai cité précédemment, disant donc que la zakat, c'est quelque chose qui vient réguler, qui instaure une paix sociale et ça permet donc de vivre dans une société harmonieuse parce que on se soucie donc du cas des pauvres, ce qui diminue beaucoup la criminalité, le vol, le banditisme. Et ça, c'est clair, c'est quelque chose qu'on constate aujourd'hui. Et multiplier les moyens de répression ne règle en aucun cas la situation. Et on le voit. Même si vous mettez toutes sortes de services de sécurité, de police ou quoi, ça ne va pas régler la situation. Tant qu'on ne prend pas en compte les besoins des pauvres de manière sérieuse, ça ne peut pas faire diminuer les moyens de répression à eux seuls ne peuvent pas faire diminuer la criminalité. Donc il faut les deux, c'est-à-dire prendre en charge les besoins des pauvres et ensuite les moyens de répression. Comme ça, la personne sait que voilà, il a beaucoup à perdre en allant voler. Et alors que en étant honnête et tranquille, il a l'État qui le prend en charge. Donc voilà ce que voilà un point important qui nous fait comprendre l'extrême perfection de notre législation islamique, si elle est appliquée comme il se doit. Donc, le calife Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, donc, dont nous connaissons tous ceux qui ont étudié sa biographie, donc personne ne peut douter de la sévérité. Il était connu pour être très sévère, donc Personne ne peut douter de sa sévérité, donc lui-même donc n'appliquait pas la sanction sur cela, parce que la législation islamique est une législation de miséricorde, et on peut donc accorder des circonstances atténuantes à cela. Et donc, comme je l'ai dit, lorsqu'il se rendait compte que la personne n'a pas volé par transgression ou par amour du vol, c'est parce qu'il peut y avoir quelque chose qui l'a poussé à cela, ou c'est parce qu'il est dans le besoin, c'est un pauvre qui est dans le besoin, il n'appliquait pas donc la sanction. Et on voit donc que notre législation islamique donc est une législation de miséricorde. Et on peut le voir aussi dans le cas de la fornication. La sanction du célibataire, par exemple, n'est pas la même que celle du marié, parce que le marié a de quoi satisfaire son besoin. Donc la sanction du marié a été plus sévère et celle du célibataire plus clémente. Autre cas de figure qu'on peut citer, hormis la famine par exemple, ou le besoin, la famine, c'est que c'est un cas de figure où la personne par exemple peut avoir un proche, sa femme ou son enfant, en situation critique, dans un hôpital ou voilà, comme par exemple dans des pays comme les nôtres, où il n'y a pas de prise en charge gratuite, même en cas d'urgence, si tu ne payes pas, on ne te prend pas en charge, on ne te prodigue aucun soin. Les pays comme les nôtres, c'est très compliqué. Donc quelqu'un peut se retrouver dans une situation où, par exemple, il a un proche qui est dans une situation critique dans un hôpital, il a besoin d'argent. Ça, c'est une situation qui est compréhensible, que quelqu'un, on va comprendre si quelqu'un va commettre un acte de vol, par exemple, parce qu'il veut payer les soins de son enfant, il veut payer les soins de sa femme à l'hôpital. C'est quelque chose qui peut être compréhensible. Donc, moi-même, j'ai été témoin d'un cas comme cela, par exemple, où un frère de mérite, Hafizahullah, et on lui a confié de l'argent pour une activité, et il s'est retrouvé donc à utiliser l'argent destiné à financer cette activité pour les soins de sa femme. Il s'est retrouvé donc à utiliser cet argent-là, qui était une amana, c'était pour financer une activité. Il s'est donc retrouvé à utiliser cet argent-là pour les soins de sa femme qui était dans un état critique, dans un hôpital. Et finalement, même sa femme est décédée. Qu'Allah lui fasse miséricorde, elle est décédée, la femme du frère. Donc, quand on a su cela, quand on a su cela, on a compris. Et même la personne qui lui avait confié l'argent, c'était un kafir. La personne qui lui avait confié cette somme, c'était un kafir. Mais même lui, étant mécréant, il a compris. Il a compris la situation de la personne. Donc, il a compris que c'était normal, puisque la majorité d'entre nous, dans ce genre de situation, on aurait fait la même chose. On aurait fait la même chose. Tu as de l'argent, tu as un cas où, là, c'est un cas où, voilà. Par exemple, ça nécessite que tu finances l'opération de ton enfant qui est à l'hôpital ou de ta femme. Voilà, même si tu as un fort degré de piété, ça va être compliqué. Ça va être compliqué que tu ne fasses pas entorse à tes principes dans ce genre de cas. Donc c'est un dépôt, c'est une amana. On se doit de ne pas y toucher. Sauf que dans ce cas-là, c'est une nécessité absolue. Dans ce cas-là, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Et donc, la nécessité, comme je l'ai dit, permet l'interdit. Ad-daroura tubihul mahdoura. La nécessité permet donc qu'une chose interdite deviennent permises. C'est pour cela d'ailleurs donc qu'il est considéré il est conseillé plutôt pour cela qu'il est conseillé pour les amanats de quand tu veux confier tes biens à quelqu'un, de choisir une personne de confiance par rapport à son dîn, choisir une personne pieuse, mais aussi une personne qui n'est pas trop dans le besoin. Si tu peux avoir quelqu'un qui est à l'abri du besoin pour lui confier la chose, c'est mieux, c'est mieux. Car si tu confies à un pauvre et qu'il utilise une partie de ses biens-là par nécessité, tu ne pourras pas lui en vouloir. Tu ne pourras pas lui en vouloir. Donc après, il y a des gens, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très droits et qui, même si c'est n'importe quel cas, quand on leur confie une amana, ils vont pas y toucher. Il y a des gens comme ça. Quoi qu'il arrive, il va jamais y toucher. Mais c'est très très rare. Ils sont très très peu. C'est très très rare. Et la nature humaine est ainsi que voilà. Donc, il y a des gens de situation où la personne ne pourra pas faire autrement. Après aussi, il y a des gens qui, même s'ils ne sont pas dans le besoin, il y a des gens qui sont cupides. Même s'ils ne sont pas dans le besoin et que tu leur confies une amana, ils peuvent utiliser cet argent, même s'ils ne sont pas dans le besoin, par cupidité. Donc, tout revient toujours à la piété de la personne. Tout revient toujours à la piété de la personne. Donc, tout ceci en résumé pour dire qu'une société qui ne prend pas en charge et ne se soucie pas des besoins du pauvre, ce n'est pas étonnant donc qu'on y voit le vol, le banditisme et la criminalité s'y développer. Et quels que soient donc les moyens de répression qui sont mis en œuvre, ceux-ci ne peuvent donc régler le problème. Et on voit donc que notre législation islamique, il y a plus de 1400 ans, a cerné le problème en attribuant donc cet argent de la zakat aux pauvres. Chaque année, une forte somme d'argent qui lui permet de subvenir à ses besoins lui est donc donnée par les soins du gouverneur musulman qui envoie donc les gens collecter la zakat et la distribuer. Malheureusement, à notre époque, les gouverneurs musulmans ne s'occupent plus de cela. Ils ont délaissé cela donc pour imiter les non-musulmans avec leurs impôts et leurs taxes. Et ils ont délaissé la zakat qui est de leur prérogative et qui permettrait de régler beaucoup de problèmes si vraiment ils mettaient les moyens pour la collecter comme il se doit. Ça réglerait énormément de problèmes et ça les mettrait à l'abri de devoir demander ces taxes injustes et ces impôts injustes qu'ils imposent aux gens. Et on sait toujours qu'il y a la baraka dans l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit que les biens se divisent donc en deux catégories. Il y a donc, nous avons cité la première catégorie, les biens apparents, sur lesquels le dirigeant musulman prélève la zakat, de gré ou de force. Et il y a donc la deuxième catégorie, les biens cachés. Le dirigeant musulman ne fait pas de perquisition pour venir fouiller les maisons des gens et voir s'ils y cachent de l'or et de l'argent ou des billets de banque. Donc voilà, ce sont des biens qui ont été laissés à la piété de chacun. Ça veut dire que si tu crains Allah Azawajal, tu sors la zakat sur ces biens-là. Et si tu veux, tu peux cacher et puis voilà. Mais le dirigeant musulman, donc comme je disais, il prend la zakat seulement sur les biens apparents et ce qu'on lui présente. Donc, il va pas faire de perquisition pour voir si les gens cachent des billets de banque sous le matelas. Donc, la zakat sur ces biens cachés, la personne, s'il ne craint pas Allah et le jour du jugement, s'il ne veut pas payer, il va pas payer puisque les biens sont cachés. Et ce sont pas des biens qui sont au vu et au su de tout le monde. Donc, parmi ces biens cachés, donc, il y a l'or et l'argent. Et ce qui est leur équivalent, comme les billets de banque, les crypto-monnaies, etc. Donc, l'or et l'argent et ce qui est leur équivalent. comme donc les billets de banque et les crypto-monnaies, etc. Et nous, on va commencer ici par l'or. Pour fixer le nissab de l'or, le nissab, donc on l'avait vu, c'est la quantité requise, la quantité légiférée requise à partir de laquelle la zakat devient obligatoire. Donc, pour fixer le nissab de l'or, les savants se sont appuyés sur le hadith de Ali radiallahu anhu, rapporté par Abu Daoud, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ida kanat lak mi'ata dirham wa hala 'alayha al-hawl fa fiha khamsat dirahim. حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il dit donc dans ce hadith, si tu as 200 dirhams et que la durée requise a été atteinte, il y a 5 dirhams, c'est-à-dire de zakat à prélever. Il y a 5 dirhams. Tu n'as rien à payer jusqu'à ce que tu aies 20 dinars et que la durée requise soit atteinte. Dans ce cas, il y a un demi-dinar à payer. Et ce qui va au-delà de ça se calcule en fonction de cela. Et il n'y a pas de zakat sur un bien jusqu'à ce que la durée requise soit atteinte. Donc les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith. L'imam al-Albani, rahimahullah, l'authentifie. Et Cheikh al-Fawzan, hafizahullah, dans son commentaire de Boulour, lui, il opte plutôt pour son affaiblissement, voyant qu'il est mawquf. Voyant qu'il est mawquf. Et le hadith mawquf, c'est celui qui s'arrête à un compagnon, sans remonter jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte par exemple Ibn Abbas, radiallahu anhu, qu'il a dit ceci ou qu'il a fait cela. Donc c'est ça le hadith mawquf. Et notre cher Yahya, dans Tahqiq al-Sughra, il dit à propos de ce hadith que si on opte pour la vie disant qu'il est mawquf, donc il s'arrête au compagnon, sans remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quand même le jugement d'un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où hukm raf. Là où hukm raf, c'est ce que dit notre cher Yahya Hafizahullah. Donc, que même si on opte pour la vie qu'il est mawquf, qu'il s'arrête au compagnon, il a quand même le jugement d'un hadith qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un compagnon, et nous savons que tous les compagnons sont dignes de confiance, un compagnon ne peut pas sortir ce genre de règles et de jugements concernant la religion d'Allah Azzawajal de sa tête. Donc un compagnon ne peut pas sortir des règles concernant la religion d'Allah Azzawajal de sa tête. Ça ne peut être que un avis, ça ne peut donc être que quelque chose qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne peut pas être un avis personnel. Donc ça ne peut pas être un avis personnel, quelque chose qui sort de sa tête. C'est forcément qu'il a entendu ses règles et ses jugements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un compagnon, il peut se retrouver à dire que le jugement sur telle chose, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Sans citer que voilà, il a entendu le prophète dire ceci, cela. Il peut dire directement au tabi'in que voilà, le jugement sur cette telle question, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et dans ce cas-là, donc les savants ont considéré que ça a le même jugement que s'il avait dit que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que c'est comme ci, comme ça, comme ça. Parce que les compagnons qui sont dignes de confiance ne peuvent pas sortir des jugements. Ils ne peuvent pas, par exemple, dire que ceci est halal, ceci est haram, ceci se fait comme ci, comme ça, par rapport à la religion d'Allah de leur tête. Parce qu'ils sont tous de confiance, eux qui nous ont les savants étaient unanimes sur ça, que les savants du hadith ont été unanimes sur le fait que tous les compagnons sont de confiance. Tous les compagnons sont de confiance, donc on ne doute pas de ce qu'ils nous rapportent venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si on opte pour l'affaiblissement de ce hadith, il y a encore ce qu'a rapporté le tabi'i Muhammad ibn Abdurrahman al-Ansari. Donc, il y a un tabi'i Muhammad ibn Abdurrahman al-Ansari qui a rapporté un hadith dans lequel il est dit Anna fi kitab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa fi kitab Omar fi sadaqa Anna al-dahab la yu'akhad minhu shay حتى يبلغ 20 دينارا فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. Donc il y a ce hasard de Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Ansari, hein? Donc même si on dit que le hadith précédent, on opte pour le fait que ce hadith est faible, il y a donc ce hasard qui vient donc appuyer cela, qui vient donc appuyer ce jugement-là. Et dans ce hasard, donc, le tabi'i Muhammad ibn Abdurrahman al-Ansari, donc, il rapporte que dans les écrits, hein, il rapporte dans les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les écrits d'Omar sur la sadaqa, donc la zakat, que l'on n'y prend rien jusqu'à ce que cela atteigne 20 dinars. Donc, ceci est concernant donc. Concerne donc la zakat de l'or. Donc dans les écrits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les écrits d'Omar sur la sadaqa, sur la zakat, il y est dit que on n'y prend rien jusqu'à ce que cela atteigne 20 dinars. Et si la quantité atteint 20 dinars, on y prélève un demi-dinar. Si la quantité atteint 20 dinars, on y prélève un demi-dinar. Le hâthâr est rapporté par Abu Ubayd dans son livre Al-Amwal et par Al-Khatib Al-Baghdadi donc dans son livre Al-Muttafiq ou Al-Muftariq. C'est rapporté aussi par Al-Bayhaqi dans Al-Kubra et par Al-Tahawi dans Sharh Ma'ani Al-Athar. Et donc ce hâthâr, il a donc de nombreux shawahid, c'est-à-dire de nombreux autres athars ou ahadith qui vont dans le même sens et qui l'appuient. Il y a d'autres athars ou ahadith qui vont dans le même sens et qui l'appuient. Donc, pour expliquer ce athar, en fait, il est rapporté que Omar ibn Abdelaziz, lorsqu'il est devenu calife, c'est un des califes des premiers siècles. Donc, lorsqu'il est devenu calife, il a envoyé donc les gens à Médine pour se renseigner en ce qui concerne donc ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était fait donc dans les époques précédentes, à l'époque du prophète et à l'époque et dans les époques qui ont suivi concernant donc la zakat. Et donc ils ont trouvé chez la famille d'Omar ibn al-Khattab, ils ont trouvé donc chez la famille d'Omar des écrits. Ils ont trouvé donc chez la famille d'Omar radiallahu anhu des écrits qu'il adressait à ses employés pour la collecte de la zakat et dans lesquels il donnait ses directives et ses prescriptions. Donc dans ces écrits-là, ils ont trouvé donc ces écrits-là que Omar envoyait à ses employés et les employés de la zakat et dans lesquels il donnait donc ses directives et ses prescriptions. Et ils ont donc trouvé aussi que cela concordait. Ils ont trouvé que cela concordait avec l'écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à Amr ibn Hazm. Donc il y a un écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressé à Amr ibn Hazm radiallahu anhu concernant le même sujet, concernant la zakat. Et il a donc, Omar ibn Abdelaziz, il a donc ordonner à ses employés d'appliquer ce qu'il y avait donc dans ces deux écrits-là. Il leur a ordonné d'appliquer ce qu'il y avait dans ces deux écrits. C'est donc ce qu'on appelle Kitab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Kitab Omar fi Sadaqat. Et c'est connu aussi sous le nom de Kitab Amr ibn Hazm. C'est aussi connu, très connu sous ce nom-là. Donc, le jugement qui ressort donc de ces preuves citées est que donc le nissab de l'or, c'est 20 dinars. Le nissab de l'or, la quantité requise, la quantité légiférée requise donc, qui rend obligatoire la zakat, c'est pour l'or, c'est 20 dinars. Et lorsque ce nissab est atteint, la zakat prélevée est d'un demi-dinar. Et Ibn al-Mundhir, rahimahullah, a rapporté l'unanimité des gens de science sur le fait que le nissab de l'or est de 20 dinars dans son livre l'Ijma. Il rapporte donc l'unanimité des gens de science sur le fait que le nissab de l'or est de 20 dinars. Et on se base ici sur le dinar parce que c'est une pièce de monnaie en or que les gens utilisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même avant à sa venue, même avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait déjà un dinar. Tout comme le dirham. Le dirham est une pièce de monnaie frappée en argent. Le dirham est une pièce de monnaie frappée en argent qui sert de base et de référence pour la zakat de l'argent. Donc la pièce d'or, le dinar, c'est la référence pour l'or. La pièce d'or, le dinar, c'est la référence pour l'or. Et la pièce d'argent, le dirham, c'est la référence pour l'argent. Le dinar, c'est une pièce d'or et c'est la référence pour l'or. Et le dirham, c'est une pièce d'argent et c'est la référence pour l'argent. Et pour calculer le nissab de l'or et voir à combien ça équivaut en grammes d'or, il a donc fallu estimer à combien de grammes d'or équivalait un dinar. Donc il a donc fallu estimer le dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le hadith, puisque les preuves disent 20 dinars, que le nissab c'est 20 dinars. Donc il a fallu donc, hein, à notre époque, estimer à combien équivaut un dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam en grammes d'or aujourd'hui. Et des savants et des historiens ont fait ce travail. Des savants et des historiens ont fait ce travail. Et ce qu'il en ressort donc est que un dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut à 4,25 grammes d'or. Donc un dinar de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça équivaut donc à 4,25 grammes d'or de notre époque. Et c'est l'avis pour lequel a opté Cheikh Ibn Taymiyyin, rahimahullah. C'est pour cela donc qu'il est arrivé à estimer le nissab de l'or pur, 24 carats à 85 grammes. Car on multiplie les 4,25 grammes. On multiplie donc les 4,25 grammes par 20 dinars, qui est le nissab rapporté dans l'épreuve. Ça donne donc 85 grammes. Donc, quand on multiplie l'estimation du dinar, qui est de 4,25 grammes, on multiplie donc par 20 dinars, ça donne donc 85 grammes. Donc, c'est le nissab donc de l'or pur 24 carats. Le nissab de l'or pur 24 carats, donc c'est donc 85 grammes. À partir de 85 grammes, on doit donc payer un demi-dinar. On doit payer un demi-dinar. Je précise ici or pur 24 carats parce que la précision est importante. L'or pur, c'est le 24 carats. L'or pur, c'est le 24 carats. En dessous de 24 carats, l'or n'est pas pur et c'est un or qui est mélangé donc à d'autres éléments. Donc, ça veut dire que si le nissab dont on parle ici, c'est le nissab de l'or 24 carats. Et si l'or est moins pur, ça veut dire si c'est mélangé à d'autres éléments, plus tu descends dans le nombre de carats, 21, 18, 16. Et ça veut dire qu'il y a moins, il y a moins d'or et plus de d'autres éléments qui ont été ajoutés, qui ont été mélangés à l'or. Et dans ce cas, le nisab doit être calculé différemment en fonction de la quantité d'or pur qui se trouve et en fonction donc des carats. Et ceci est appuyé par la parole de l'imam an-Nawawi dans son livre Al-Majmu', dans lequel il dit, dans le volume 5, en page 467, il dit ceci: إذا كان له ذهب أو فضة مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها. Donc il dit donc l'imam an-Nawawi, rahimahullah, s'il a un or ou un argent contrefait, il n'y a pas de zakat sur cela jusqu'à ce qu'il reconnaisse son degré de pureté. Donc s'il a un or, si la personne a un or ou un argent contrefait, il n'y a pas de zakat sur cela jusqu'à ce qu'il reconnaisse son degré de pureté. Donc, quand tu as de l'or 24 carats, le nisab c'est 25, c'est 85 grammes. Quand tu as de l'or 24 carats, le nisab c'est 85 grammes. Si c'est 21 carats, ce n'est plus le même nisab. Il doit donc être calculé en fonction du degré de pureté. Et j'ai vu un des élèves de Cheikh Ibn Taymiyyah dans son commentaire de Minhaj Salikin de Cheikh Saadi. Il donne donc une formule de calcul du nisab en fonction de la pureté qui est la suivante. Tu fais 85 fois 24 divisé par le nombre de carats, de nombre de carats. Ça te donne donc le nombre de grammes qui est le nisab en fonction du nombre de carats. Donc je répète, tu fais donc 85 fois 24 divisé par le nombre de carats. Ça te donne donc le nombre de grammes qui est le nisab en fonction du nombre de carats. Donc par exemple, si c'est de l'or 21 carats que tu as, tu fais donc 85 divisé par 24. Non, 85 multiplié par 24 plutôt. Tu fais 85 multiplié par 24 divisé par 21. Donc c'est ça la formule. 85 multiplié par 24 divisé par le nombre de carats. Donc si c'est 21 carats, tu fais 85 fois 24 divisé par 21. Donc 85 fois 24 divisé par 21, ça donne donc 97,14 grammes. Donc c'est ça le nisab de l'or 21 carats. Donc 97,14 grammes, c'est le nisab de l'or 21 carats. Tu obtiens cela donc en multipliant 85 fois 24 divisé par 21. Si c'est 18 carats, tu fais la même chose, 85 fois 24 divisé par 18. 85 fois 24 divisé par 18, ça donne 113,33 grammes. Donc ça fait que le nisab pour l'or 18 carats, c'est 113,33 grammes. 113,33 grammes. Donc une fois que le nisab est calculé, maintenant tu dois donc sortir la quantité de zakat légiférée et ceci. Et ici, donc, les preuves qu'on a citées parlent d'un demi-dinar. Les preuves qu'on a citées parlent ici d'un demi-dinar qui est la quantité donc qu'on doit sortir comme zakat. Et les gens de science se sont aperçus qu'en divisant 20 dinars par 40, on arrive donc à un demi-dinar. Ce qui fait donc 2,5%. Ce qui fait donc 2,5%. Et donc, la manière de calculer, ils ont donc vu que la manière de calculer la zakat que tu dois sortir sur les 85 grammes d'or, la manière la plus simple est donc de diviser cela par 40. C'est de diviser cela donc par 40. Et comme ça, tu atteins donc le demi-dinar qui est demandé. Parce que quand on divise donc 20 dinars par 40, ça donne donc un demi-dinar. Et bien sûr, avant de sortir cette zakat, il y a une condition. C'est que cela ait atteint la durée requise d'un an du calendrier islamique, comme on l'a déjà vu. Et Cheikh Al-Fawzan, dans son commentaire de Bulugh Al-Maram, il dit que la sagesse, la hikma, donc dans le fait d'avoir conditionné cette durée de un an, Al-Hawl, donc la sagesse dans cela, c'est que les biens où cela a été conditionné sont des biens qui sont sujets à une plus-value. Dont les biens où Al-Hawl, la durée de un an requise, la durée de un an requise a été conditionnée, ce sont des biens qui sont sujets à une plus-value. Et dans ce cas, tu sors la zakat sur la plus-value et c'est plus facile. Tu sors la zakat sur la plus-value et c'est plus facile. Par exemple, on a dit que la zakat, par exemple, pour les moutons, par exemple, il y a la durée d'un an. Il y a le hawl, la durée d'un an du calendrier islamique qui est requise. Donc, durant les un an, tu peux avoir des troupeaux qui s'est agrandi. Avec des nouvelles naissances, le troupeau s'est agrandi. Donc, tu vas sortir la zakat. Donc, sur 40 moutons, on te demande de sortir de donner un mouton comme zakat. Donc, tu vas donner la zakat sur. Tu vas donner la zakat. Le troupeau s'étant agrandi entre-temps. Et donc, c'est plus simple, c'est plus facile. Donc c'est un peu le sens de cette parole. Donc comme il y a eu une plus-value sur les biens que tu possèdes, il y a eu des naissances, le troupeau a grandi, il y a eu une plus-value. Donc tu sors la zakat sur cela et c'est plus simple. Et c'est la même chose par exemple sur les biens commerciaux. Sur les biens commerciaux, tu as des terrains que tu as achetés. Pour les revendre ou des maisons que tu as achetées pour les revendre. Alors, entre-temps, tu as acheté, ça a un prix. Entre-temps, la valeur a grimpé. Tu as fait une plus-value. C'est plus facile donc pour toi de sortir la zakat sur ces biens-là puisque les biens ont pris de la valeur. Donc, tu as fait une plus-value. Tu sors la zakat donc par rapport à la plus-value que tu as faite. Donc, c'est le sens de ces paroles-là. Et cela n'a pas été conditionné pour les graines et les fruits. Car ils sont eux-mêmes une plus-value. Cela n'a pas été conditionné pour les graines et les fruits, parce que la zakat donc des graines et des fruits se sort au moment de leur récolte. Ceci parce que les graines et les fruits sont considérés eux-mêmes comme étant une plus-value. Donc dès qu'ils sont récoltés, donc la zakat doit sortir directement. Et je rappelle ici ce qu'on a dit concernant El Haoul. Il faut que tu aies le nisab et que ça reste à ce niveau et ça ne diminue pas pendant un an du calendrier islamique. Si le bien diminue et descend en dessous du nisab, on arrête donc le décompte et on reprend lorsqu'on est remonté au niveau du nisab. Donc tu peux par exemple avoir le nisab pendant 11 mois. Hein, par exemple, tu as en ta possession le nisab pendant 11 mois et au 11e mois, ça diminue. Par exemple, tu as vendu une partie de ce que tu possédais, le nisab donc a diminué au niveau du 11e mois. Dans ce cas-là, ou bien, je sais pas, tu as donné une partie à des gens. Bref, ce que tu possèdes a diminué. Ce que tu possèdes a donc diminué. Dans ce cas-là, donc, tu n'as pas de zakat à payer jusqu'à ce que les biens remontent au niveau du nisab. Donc, tu arrêtes les décomptes jusqu'à ce que les biens remontent au niveau du nisab. Par contre, comme on l'a vu, comme on l'a déjà vu, tu as le droit de ne pas attendre que les 12 mois soient écoulés avant de sortir la zakat. Tu peux la sortir avant. Il est permis donc de, comme on l'a vu, de payer la zakat avant que la durée des 1 an ne soit atteinte. Ceci est permis. Mais tu peux attendre la durée avant de payer. C'est au choix. C'est au choix. Ceci donc, selon le. Ceci donc, ça, tu peux payer avant. Donc tu peux payer ça en application de la parole d'Allah Azawajal. Empressez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Tu peux donc payer ça avant, comme on l'a déjà vu. On l'a déjà vu précédemment. Donc ça rentre dans ce fait-là de se précipiter à accomplir les bonnes œuvres. Maintenant, on passe à la zakat de l'argent. On passe à la zakat de l'argent. Le nisab de l'argent, c'est 5 awaq. Le nisab de l'argent, c'est 5 awaq qui équivaut à 200 dirhams. Ceci est prouvé par le hadith d'Abu Saïd al-Khudri, radiallahu anhu, qui est dans les Sahihain et qu'on a déjà cité précédemment. Où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa fi maduna khamsi awaqin sadaqa. Il n'y a pas de zakat en dessous de 5 awaq. Et on avait déjà vu précédemment que awaq, c'est le pluriel de awqiya. Et c'est une unité de mesure pour calculer la quantité d'argent. Et une awqiya, on avait vu que ça équivaut à 40 dirhams. On avait vu que ça équivaut à 40 dirhams. Et on prend donc ici pour l'argent le dirham parce que c'est une pièce d'argent. Donc c'est ça qui est la référence pour calculer la zakat de l'argent. Pour calculer donc la zakat de l'argent, on prend comme référence le dirham qui est une pièce d'argent. Ce qui fait donc que une awqiya, ça fait 40 dirhams. Ce qui fait donc que on a dit 5 awaq. Ça fait donc 5 multiplié par 40, ce qui fait donc 200 dirhams. Lorsqu'on multiplie donc les 40 dirhams par 5, puisque le hadith dit 5 awaq, lorsqu'on multiplie les 40 dirhams par 5, ça fait donc 200 dirhams. Et c'est aussi bien précisé dans le hadith de Ali, radiallahu anhu, rapporté par Ahmed et Abu Daoud, où il est dit: وليس في التسعين ومئة شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم ففيها 5 دراهم. Donc le hadith dit il n'y a rien à prélever sur 190, c'est-à-dire 190 dirhams, mais si ça atteint 200, on prélève 5 dirhams. Il n'y a rien à prélever sur 190 dirhams, mais si ça atteint 200, on prélève 5 dirhams. Ceci nous amène donc à constater que la zakat de l'or et de l'argent est la même quantité, puisque 200 dirhams divisé par 40 donne 5 dirhams. 200 dirhams divisé par 40 donne 5 dirhams. Donc, que ce soit pour l'or ou l'argent, la quantité à sortir, c'est donc les 1 quarantième, les 2,5%, les 1 quarantième. On divise donc la quantité par 40. Et pour calculer le nisab en grammes, les savants ont donc fait la même chose, le même travail qu'avec le dinar. Donc pour calculer combien vaut le dirham de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait ce travail-là. Pour calculer combien ça vaut en grammes, et ils sont donc arrivés à la conclusion que le dirham de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à 2,975 grammes d'argent de nos jours. Donc ils sont arrivés à cette conclusion que un dirham de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond donc à 2,975 grammes d'argent de nos jours. Et quand donc tu multiplies cela par 200, qui est le nisab donc de l'argent, 200 dirhams, tu arrives au résultat de 595 grammes, qui est donc le nissab de l'argent. Quand tu multiplies donc 2,975 par 200 dirhams, donc 1 dirham équivaut à 2,975 grammes, tu multiplies ça par 200 dirhams, tu arrives donc à 595 grammes, qui est le nissab de l'argent. Et c'est cette quantité que tu divises donc par 40. Tu divises donc par 40 pour arriver à savoir combien de zakat tu dois sortir. Et c'est 1 quarantième ou 2,5%. C'est ce que les savants ont appelé Roboul Oshr. Et c'est un terme qui est extrait du hadith de Anas radiallahu anhu, qui est dans Sahih al-Bukhari, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi riqqati rubul 'ashr. Et sur l'argent, on prélève les 1 quarantième. Sur l'argent, on prélève les 1 quarantième. Et ar-riqqa, donc c'est un terme qui désigne l'argent. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.